15-4, production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du deuxième personnage. 1. Écoutez. Cassez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Regarde les gens qui passent. Rien. Regarde les gens qui passent. Rien. Regarde les gens qui passent. Et maintenant, c'est à vous. Cassez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Deux. Écoutez. Vous la connaissez? Si je la connais, bien sûr que je la connais, c'est ma marraine. À vous maintenant. Vous la connaissez? Écoutez. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. Et maintenant, allez-y. Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? Quatre. Écoutez. Vous êtes peut-être famille Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Et c'est à vous. Vous êtes peut-être Camille Mireille? Vous êtes anglais?